Bonjour, c'est moi Alexis. Je vais vous parler de notre rôle sportif à l'école Saint-Laurent. Notre rôle sportif est super bien, sauf qu'il est toujours en travaux. Et ça, c'est un peu énervant. Alors, on va faire gym dans une autre salle. Et la salle, elle est toute froide et pas bien rangée. Celle qui est en travaux, elle est en travaux parce que dans les salles, il fait beaucoup trop chaud. Ben, moi, je crois qu'il fait trop froid. Il est gentil, le prof de gym ? Oui, sauf quand on fait de la gymnastique. J'imagine un terrain de foot immense pour que l'école Saint-Laurent. Comme ça, on pourrait jouer là-bas et pas dans la cour. Et comme ça, les autres qui veulent pas jouer, ils reçoivent pas la balle dans la tête. Est-ce qu'il y aura un arbitre compétent sur le terrain ? Oui, je pense. Comme ça, il n'y aura pas de vrais blessés. L'équipement sera fourni pour jouer ? Oui. Moi, je sais qui va être l'arbitre. C'est bien sûr Tom. Ça pourrait, mais on pourrait aussi mettre un meilleur. Sur une échelle de 1 à 10, Tom, tu le mettrais sur combien comme arbitre ? Pas beaucoup, sur 4, un truc comme ça. Mais dès qu'on s'inscrit, c'est possible de se désinscrire ? Oui, mais si tu t'inscris, c'est pour que tu joues au foot. Après, tu peux prendre un piqué façade, par exemple. Est-ce que vous allez passer à la télé ? Parce que si oui, moi je veux bien me présenter en commentateur. Je sais pas, parce que c'est quand même un peu cher. Mais j'espère qu'on pourra changer les personnes qui sont en goal ou qui sont arbitres. Bah oui, on va pas laisser tout le temps, à part si c'est un arbitre vraiment professionnel. Là, on va pas le changer. Ceux qui font plein de fautes, il faut les bouger, ils sont pas gentils, eux. Pas du tout. Ceux qui sont pas gentils, ils font dégager.